On va pouvoir démarrer cette journée. Alors, en l'absence de Vincent Michel, directeur de l'école d'architecture de Grenoble, un petit mot d'accueil pour vous souhaiter la bienvenue à cette troisième et dernière journée du séminaire sur la marche. Bon, la marche continue après le séminaire, sans doute, comme thème de recherche. On voulait aussi évidemment remercier l'école qui a accueilli ce séminaire et qui l'a aidé. Et le BRUP, le Bureau de la Recherche Architecturale Urbaine, qui l'a aussi aidé. Donc j'espère que les débats aujourd'hui, qui portent plus sur des aspects de recherche, d'observation et de description de la marche, seront fructueux et que tout le monde pourra y participer. Je rappelle simplement que la matinée est animée par Rachel Thomas elle-même, qui va présenter l'avancement du séminaire et puis la présente journée, et puis que l'après-midi, les débats seront animés par Henri Thorg, ici présent. Voilà, donc bonne journée. Moi je rejoins la salle et je te laisse la parole, Rachel.